que j'ai dit maintenant était très compréhensible, ne vous inquiétez pas, ça va être la même chose pendant votre médication.